J'ai consacré 4 ou 5 ou 6 ans à faire la biographie croisée du couple Maurice Thorez et Jeannette Vermerge, qui ont été les leaders du Parti communiste français. Mais le Parti communiste français, ce n'est pas un bon objet pour étudier les crimes, parce que la caractéristique du Parti communiste français, c'est de n'avoir jamais été au pouvoir, d'avoir été un parti communiste dans une démocratie. Donc ça ne donne pas beaucoup de marge à la criminalité. Et si on cherche vraiment une criminalité au sein du Parti communiste français, on la trouve à la marge pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, pendant la période de la Résistance, où le Parti communiste liquide un certain nombre d'opposants. Donc une organisation qui n'a pas une spéciale liquide les traîtres, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui ont rompu avec le Parti communiste au moment du pacte germano-soviétique, le plus célèbre d'entre eux étant Giton, donc ils sont exécutés, plus quelques-uns qui dérangent, et notamment une jeune femme qui était tout à la fois l'agent de liaison et la maîtresse de Benoît Frachon, le leader de la résistance, le grand leader de la Confédération générale du travail, le grand leader syndicaliste français. Mais on peut dire que ces crimes se comptent quand même sur les doigts des deux mains et qu'on n'a pas affaire à un régime qui organise une criminalité d'État, ce qui est quand même la caractéristique majeure des crimes commis dans les régimes, dans les pays communistes, c'est qu'on a affaire à une criminalité d'État. C'est pas de temps en temps quelqu'un qu'on liquide. Même si ça existe aussi dans les pays de l'Est. Alors, si on veut parler de la criminalité du Parti communiste français, on pourrait la trouver dans la complicité, dans le silence qu'il établit sur ce qui se passe à l'Est, alors que le Parti communiste, enfin pas le Parti communiste français, les dirigeants du Parti communiste français sont particulièrement au courant. Alors je voulais partir pour mon sujet de deux expériences récentes que j'ai vécues. La première, c'est une expérience de lecture. Tout à fait par hasard, j'ai lu un premier, et puis plus par hasard, un second ouvrage du prix Nobel de littérature, Herta Müller. Je ne sais pas si vous avez lu ces ouvrages. Le premier que j'ai lu, qui est le dernier traduit en français, s'appelle « La balance du souffle », Athems Schaukel, que je tiens pour un pur chef-d'œuvre, un très très très grand livre de la littérature du Goulag. Quoique ce livre ait été écrit par une personne née en 1953, qui n'a pas elle-même eu cette expérience, mais qui s'inspire très probablement de ce que sa mère a vécu et d'un de ses amis poètes qui lui a été au Goulag et dont elle a recueilli les souvenirs. Le second livre que j'ai lu d'elle après avoir lu le premier, que j'ai choisi parce qu'il était en livre de poche, donc pas cher, s'appelle « L'homme est un grand faisant sur terre ». Je tiens ce second livre aussi pour un chef-d'œuvre. Alors, j'ose à peine expliquer ici qui est Herta Müller, prix Nobel de langue allemande, mais issu de la minorité allemande de Transylvanie. Non, du Val. Ah, alors voilà, vous voyez, je dis des sottises. Minorité qui a en partie été du côté du nazisme. Le père d'Herta Müller a été engagé dans la Waffen-SS, volontairement ou non volontairement, mais qui, je ne fais pas de, comment dire, je ne cherche pas à condamner qui que ce soit. Il y a un mouvement d'histoire dans lequel tout le monde est pris. Mais qui a fait partie de ces gens qui ont été systématiquement déplacés après la Seconde Guerre mondiale, comme l'ont d'ailleurs été déplacés les Allemands des Sudètes. Les Allemands des Sudètes ont eu la chance d'être déplacés en Allemagne. Ceux-là ont eu la malchance d'être déplacés dans le Goulag, dans les camps de cet archipel. Le second livre, L'homme est un grand faisant sur Terre, est un livre très court, qui est simplement une peinture dans un village communiste roumain de l'attente du visa pour quitter la Roumanie et partir à l'Est. Du point de vue de l'histoire, je dois dire que cette œuvre littéraire que je vais continuer à lire offre une véritable fenêtre sur des sujets totalement inconnus et sur lesquels, s'il existe des études historiques, ces études historiques n'ont jamais atteint le public des historiens cultivés auxquels j'espère appartenir et encore moins le grand public. Si on prend la question des Allemands des Sudètes, c'est aussi un roman qui m'a fait comprendre qu'est-ce que ça avait signifié après la guerre d'avoir vidé les Sudètes de sa population allemande. C'est un roman d'un écrivain tchèque, Bohumil Hrabal, qui s'appelle « Moi qui ai servi le roi d'Angleterre ». C'est dire que la littérature qui est fortement présente dans votre livre est en fait un vecteur premier qui permet de rendre sensibles les expériences historiques avant même que le moindre historien ait eu le temps de mettre son nez dans la moindre archive. Et cela demeure un des vecteurs privilégiés de quelque chose sur lequel je reviendrai, que je n'appellerai pas nécessairement la mémoire, mais que j'appellerai notre rapport au passé. La seconde expérience que je viens de vivre, vous voyez, je raconte ma vie, est davantage lié à mes préoccupations. J'anime avec d'autres collègues un séminaire dans un laboratoire qui s'appelle l'IRIS, qui s'appelle « Traces de guerre, vivre avec l'autre après les conflits ». Et nous avons pour la deuxième fois organisé un voyage d'études. Le premier voyage d'études, nous l'avions organisé à Berlin. Nous avions intitulé ce voyage d'études « Berlin, capitale européenne de la mémoire du XXe siècle », puisque nous avons traité à travers les musées et les mémoriaux de la mémoire de trois événements majeurs, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et notamment le génocide des Juifs, mais aussi la façon dont s'était terminée la guerre, puisque nous étions allés visiter le musée mémorial établi à Potsdam, où ont été signés les fameux accords de Potsdam, et bien évidemment la mémoire du communisme qui reste présente à Berlin, quoique ses traces tendent là comme ailleurs à s'effacer. Par exemple, alors qu'il était possible de voir des pans entiers du mur qui a marqué, qui a matérialisé, qui a été une dématérialisation de la séparation entre l'Est et l'Ouest, aujourd'hui, il ne reste du mur que des morceaux qui sont muséographiés et qui sont muséographiés et non plus cette rupture dans le tissu urbain qui tente aujourd'hui à disparaître. Et le voyage que nous avons fait, là, c'est un voyage en Pologne, à Cracovie et à Auschwitz-Birkenau. Cracovie. Cracovie est une ville extrêmement intéressante parce que sans faire beaucoup d'efforts, on sent dans la ville la présence de trois histoires, de trois mémoires, de trois récits du passé qui se superposent, qui s'entrecroisent, qui se combattent aussi. Le premier récit est celui de la mémoire nationale, puisque vous savez que Cracovie a été capitale de la Pologne à ses débuts et qu'elle comporte ce château qu'on appelle le Wawel, qui est un château de type Kremlin ou du type du château de Prague, c'est-à-dire ces châteaux qui sont en fait des enceintes fortifiées dans lesquelles se trouvent un certain nombre de bâtiments, dont la cathédrale, dans lesquelles sont enterrés des rois de Pologne, les grands personnages de Pologne, et où a été enterré le président qui est mort dans cet accident d'avion il y a un an, alors qu'il était en train de commémorer les massacres par les soviétiques des officiers de l'armée polonaise à Katyn. Or, tout à côté du Wawel se dresse une grande croix qui s'appelle la croix de Katyn, qui est une croix qui a été dressée en commémoration des massacres de Katyn, qui sont le symbole de la façon dont l'Union soviétique a colonisé une partie de la Pologne pendant la guerre, l'a fait disparaître et ensuite l'a satellisée. Les massacres de Katyn étaient commémorés de façon quasi clandestine pendant la période du communisme, notamment par des expositions dans les églises polonaises. Et au pied de la croix de Katyn se trouve la liste de tous ceux qui ont péri dans l'accident d'avion avec le président de la République polonaise. Mais surtout, cette mémoire, la croix, cette mémoire nationale polonaise, est une mémoire catholique, profondément catholique. Et quand on était en Pologne il y a quelques jours, on était en Pologne quelques jours après la béatification de Jean-Paul II. Béatification qui a lieu un 1er mai. Béatifier Jean-Paul II le 1er mai, ça signifie que l'on recouvre d'une couche catholique une date qui appartient à l'ensemble du mouvement ouvrier et qui était une date célébrée et chômée dans l'ensemble des pays du bloc de l'Est. En même temps, apparaît à Cracovie une mémoire communiste, si je puis m'exprimer ainsi, car cette mémoire est plus proche du folklore que d'une véritable mémoire. Par le biais d'une ville qui est aujourd'hui un faubourg de Cracovie, qui est une ville qui a été voulue par Staline, je me suis amusé à paraphraser le titre qui a été souvent donné à tort d'ailleurs au film que la propagande nazie avait commandé le ghetto, le camp ghetto de Theresienstadt, et qu'on a dit « Le Führer offre une ville aux Juifs ». Nova Huta, on peut dire que c'est Staline qui offre une ville aux Polonais. La ville qu'il offre en 1949 aux Polonais, c'est une ville ultra-moderne, c'est une ville neuve, c'est une ville qui se construit autour de la sidérurgie, c'est la ville de Nowa Huta, une ville que le cinéma en quelque sorte a rendue célèbre, puisque c'est à Nowa Huta, sur Nowa Huta, pas sur la sidérurgie mais sur la construction de la ville, que Andrzej Wajda, le grand réalisateur polonais, réalise L'Homme de Marbre. Alors je sais pas, les aînés se rappellent de L'Homme de Marbre, peut-être que d'autres ont vu ce film qui est, pour qui s'intéresse au communisme, un film tout à fait passionnant. Donc qu'est-ce qui se passe à Nowa Huta? D'abord, Nowa Huta a subi une crise économique considérable du fait des problèmes rencontrés par l'ensemble de l'industrie sidérurgique en Europe. Et en partie, ça devient une ville branchée, une ville à la mode, où toute cette architecture stalinienne, c'est-à-dire les grandes allées, les grands buildings, sont devenus des curiosités. On a retiré, bien évidemment, la statue de Lénine, et il est possible aujourd'hui, à Cracovie, d'acheter un tour touristique à Nowa Huta. Ce tour se fait en Trabant. Il comporte la visite d'un appartement communiste, de l'architecture de la période, un repas dans un restaurant communiste. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de folklorisation à Cracovie, où d'ailleurs un des cafés branchés du quartier Casimirs s'appelle Goodbye Lénine, et où on utilise un certain nombre d'éléments qui peuvent être intéressants. Hein. La question de l'architecture stalinienne est une vraie question, puisque cette architecture-là reste quand même le cadre de vie dans la plupart des grandes métropoles qui ont été aménagées dans ces périodes-là. Hein, le Palais de la Culture de Varsovie, l'ensemble des grandes avenues à Moscou, l'ensemble des gratte-ciels des années 30. Donc, c'est pas quelque chose qui disparaît. Mais à côté de ces choses-là qui montrent une stabilité dans le cadre urbain, il y a toute une folklorisation. La dernière mémoire que l'on voit à Cracovie et à Auschwitz-Birkenau, bien évidemment, c'est la mémoire du génocide des Juifs, dont la lecture communiste n'a pas été totalement gommée. Par exemple, on pourrait s'attacher à regarder le nom de toutes les rues qui sont autour d'Auschwitz-Birkenau, dans la zone du musée d'État. Vous avez une rue des victimes du fascisme. Et l'utilisation du terme fascisme pour désigner l'ensemble, un ensemble qui comporte le fascisme italien, les mouvements nationalistes de droite de différents pays d'Europe de l'Est, le nazisme, l'utilisation de ce terme fascisme est quelque chose qui signe la toponymie ou le vocabulaire communiste. Mais surtout pour la mémoire, ce qui est extrêmement intéressant à Cracovie, je reviendrai un tout petit peu après sur le musée d'Auschwitz, ce qui est extrêmement intéressant à Cracovie, c'est la façon dont la mémoire va s'accrocher à un film, qui est le film de Steven Spielberg, La liste de Schindler. On ne fait pas un tour du Cracovie juif, on fait un tour, un Spielberg tour. Et ce Spielberg tour est un tour qui se fait à l'intérieur de l'ancien quartier juif de Cracovie qui s'appelle Casimirs. Cracovie, j'ai oublié de le dire, a comme avantage par rapport aux autres villes de Pologne d'être restée intacte, de ne pas avoir été touchée par les bombardements. Et le quartier juif de Cracovie a l'avantage, par rapport à beaucoup d'autres quartiers juifs de villes d'Europe, d'être resté intact, et notamment d'avoir conservé la totalité de ses synagogues. Or, c'est dans ce quartier juif que Spielberg a tourné la liste de Schindler. Et c'est là qu'il a installé le ghetto. Donc tout le monde visite le quartier juif de Cracovie, comme si ce quartier avait été le ghetto. Or, ce quartier n'a pas été le ghetto, puisqu'on a vidé le quartier de ses juifs en deux étapes. En 40, par un jeu de pouce-pouce dont les Allemands étaient spécialistes, on décide qu'il faut virer une population, il faut vider le centre de Cracovie autour du Wawel, où s'est installé Hans Frank, qui est le gouverneur nazi de ce qu'on appelle le gouvernement général, c'est-à-dire de l'espèce d'état croupion qui reste de la Pologne qui a été rayée de la carte. Donc, il faut vider tout le centre de Cracovie des Polonais. Donc, pour mettre les Polonais, on vire les Juifs de Casimirs. Et on installe en 40 les Polonais à la place des Juifs à Casimirs. Et on met les Juifs de l'autre côté de la Vistule, dans un quartier qui s'appelle Podgorzie, et qui est le quartier du ghetto. Or, ce quartier du ghetto, il est aujourd'hui le lieu d'une commémoration. La place est le lieu d'une installation avec des chaises pour symboliser le fait que c'est là que les derniers mobiliers après, pour utiliser le terme nazi, la liquidation du ghetto a été déposée, et d'un grand musée qui s'appelle le musée Oskar Schindler, et qui a été installé dans la fabrique où Oskar Schindler avait fabriqué de la vaisselle émaillée pendant la période de la guerre. Ça veut donc dire que le passé peut nous parvenir entièrement par le biais d'un film, et que ce que l'on muséographie ou ce que l'on montre est très largement la mémoire du film qui recouvre un réel. Alors, si je dis quelques mots rapidement, parce qu'on m'a dit de parler 20 minutes, si on dit quelques mots sur la question de l'énorme musée d'État installé à Auschwitz 1, c'est-à-dire dans d'anciennes casernes qui ont été aménagées pour servir de camp de concentration pour les Polonais en 40, et à 3 km de là, à Birkenau, immense camp aménagé d'abord pour les prisonniers supposés, les prisonniers espérés par la Wehrmacht, puis lieu de l'assassinat des Juifs d'Europe. Quand on regarde l'ensemble de cette zone, eh bien c'est très intéressant, parce que l'on voit comment des strates différentes de la mémoire se trouvent dans ce musée. Ce musée a été aménagé par les détenus polonais qui y sont restés, qui y ont vécu. Vous avez des gens qui ont été internés à 20 ans et qui sont morts à 80-85 ans après avoir vécu toute leur vie d'adulte à Auschwitz. À l'heure actuelle, Vladimir Smolen, qui a été un des directeurs du musée, habite toujours dans un appartement dans le musée, c'est-à-dire dans le camp. C'est une question qui gêne toujours les gens du musée. Quand vous leur posez la question, ils sont toujours gênés avant de vous répondre. Et il est décidé que c'est le dernier, donc une fois qu'il ne sera plus là, il n'y aura plus personne qui habitera à l'intérieur du musée. Là, c'est donc les détenus qui aménagent d'abord la première exposition. Et ils le font avec une lecture de l'histoire nationaliste et catholique. En Pologne, c'est pratiquement un pléonasme, hein, de dire nationaliste et catholique. Arrive le communisme, hein, la satellisation de la Pologne, l'État intervient. Et à partir de ce moment-là, se surimpose une mémoire antifasciste qui dit en gros toutes les nationalités étaient réunies à Auschwitz parce que tout le monde était antifasciste. Et ce musée raconte une histoire antifasciste qui fait disparaître la présence des Juifs à Auschwitz, puisque les Juifs ne sont là que comme Polonais, Français, Hollandais, Grecs, de toutes les nationalités qui y ont été déportées. À partir de la fin, alors tous les discours, c'est quand vous avez une commémoration, par exemple en 67, ce sont des discours contre la guerre du Vietnam, contre le fascisme, ou l'impérialisme, qui est à peu près l'équivalent du fascisme. Quand il y a ensuite un réveil de la mémoire juive dans les années 80, et à partir de ce moment-là, quelque chose qui semble se rapprocher davantage de ce qu'a été l'histoire, avec une très grande difficulté à défaire ce qui a été installé pendant la période communiste, puisque l'exposition permanente, qui date de 1955, n'a toujours pas été refaite. Elle est aujourd'hui en voie de réfection. Mais ce qui est en train de se passer au musée, c'est en réalité le fait que, tout en installant une muséographie beaucoup plus proche de la réalité historique, on détache le lieu pour l'universaliser et en faire une sorte de lieu pour la lutte, pour les droits de l'homme, pour la paix dans le monde, c'est-à-dire un lieu qui serait un lieu pour éduquer la jeunesse au plus jamais ça, sans qu'on sache exactement ce que ça signifie. Alors, je vais donc conclure par une série de remarques. La première remarque, c'est que quand on lit votre livre, c'est un livre qui s'inscrit dans tout ce mouvement très important d'étude de la façon dont les sociétés envisagent le rapport avec le passé, et surtout avec un passé qui est un passé criminel. Les sociétés des pays arabes, je pense à la Tunisie, vont se retrouver avec les mêmes problèmes. Est-ce qu'on juge, est-ce qu'on ne juge pas? Qu'est-ce qu'on juge? Jusqu'à quel échelon on juge? Qu'est-ce qu'on installe comme façon d'envisager ce passé? Avec la grande difficulté que quand ces sociétés ont duré très longtemps, des segments entiers, sinon pratiquement toute la société, se trouvent impliqués dans les processus que l'on considère ensuite comme des processus criminels. Donc, pour ces sociétés-là, se pose un problème qui est tout à la fois celle de la gestion de ce passé, mais celle aussi de la transition vers la démocratie et d'une justice ou d'une non-justice transitionnelle et de la façon dont on va réussir à ne pas supprimer ou mettre complètement entre parenthèses ce passé. Mais est-il négatif pour une société de le mettre entre parenthèses? La question peut se poser. Ça a été le choix de l'Espagne. L'Espagne, par exemple, a privilégié la transition démocratique en mettant le couvercle sur tous les crimes du franquiste et surtout sur toute la période de la guerre d'Espagne. Certains disent « oui, mais ça s'est réveillé, ça fait des débats de mémoire ». Les débats de mémoire ont cet avantage par rapport aux guerres civiles qu'ils ne font pas couler le sang. Ça, c'est le premier problème. Le second problème auquel vous allez être confrontés, ceux qui s'occupent de la Seconde Guerre mondiale y sont déjà confrontés, c'est le problème des générations. Le directeur du musée d'Auschwitz, Piotr Sivinski, dans un exposé sur les problèmes que pose son musée, qui est disponible sur Internet, je vous le cite parce que c'est un texte qui est tout à fait passionnant, parce que le directeur du musée d'Auschwitz, il n'a pas simplement des problèmes théoriques à se poser, il a des problèmes de l'aménagement. Donc Piotr Sivinski disait « Aujourd'hui, la plupart de nos visiteurs » il y a aujourd'hui 1 400 000 personnes qui visitent chaque année Auschwitz-Birkenau. Une grande partie d'entre eux, je pense que c'est 60% au moins, sont des scolaires, qui viennent de tous les pays du monde. La plus grande partie d'entre eux, disait-il, a des grands-parents qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est vrai, moi j'ai un petit-fils qui va avoir 12 ans, je suis né après la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire que les petits-enfants n'ont plus de contact direct avec les personnes qui ont vécu l'événement. C'est très important, parce que c'est très rare que les grands-parents s'asseyent et racontent leur vie, même à leurs petits-enfants. Mais au détour de conversation, ils disent des choses et ils rendent sensible une période. La Seconde Guerre mondiale est une période qui est en train de basculer dans l'histoire, puisqu'elle ne va plus faire partie de la mémoire familiale. Avec le communisme, on n'en est pas encore là, mais les générations d'élèves qui passent leur baccalauréat, par exemple, en France, donc qui étudie l'histoire du XXe siècle, l'histoire contemporaine, eh bien, ils étudient un monde qui n'existe plus. Même s'il reste quelques pays comme la Corée du Nord, mais ce monde-là n'existe plus, et surtout ce monde bipolaire, séparé par les deux terres, n'existe plus. Ça veut dire qu'il faut leur expliquer ce qui était tous les jours dans l'actualité, quand les générations donc il y a la question des générations qui est extrêmement importante. En dehors de ça, les autres vecteurs, qu'est-ce qu'on va faire avec les autres vecteurs que vous étudiez de la mémoire collective? La littérature a cet immense avantage, l'art en général, que quand c'est vraiment de la littérature et c'est vraiment de l'art, c'est à la fois universel et je pense qu'on pourra lire Primo Levi ou Imre Kertész ou Herta Müller dans un siècle. Les mémoriaux, en revanche, sont, eux, très souvent vite datés, ne sont importants que pour ceux qui les construisent et pour ceux qui les inaugurent. Et il reste important, s'il y a la capacité, d'organiser autour de ces mémoriaux des cérémonies commémoratives. Mais si je reprends l'exemple que je connais le mieux, je m'en excuse, de Auschwitz, la grande cérémonie pour le 60e anniversaire de la libération des camps d'Auschwitz était faite manifestement pour la télévision, et non pas pour commémorer ensemble, se souvenir ensemble. Car ceux qui commémorent sont souvent ceux dont l'histoire familiale a à voir avec ce qui est commémoré. Enfin, et ça va être la fin, ce qui me rend, moi, très inquiète sur les questions de mémoire collective, c'est le nouveau rapport au temps et à l'espace qui est celui de nos sociétés, notamment par le fait d'Internet et d'autres choses. Un de mes collègues, qui s'appelle François Hartog, a inventé un mot qui est le présentisme. Le présentisme, c'est le fait de que le présent se dilate et qu'il envahit tout, et que la profondeur historique est quelque chose qui est en train de s'effacer de nos sociétés. Dans le champ de la mémoire, le présentisme et la globalisation donnent des phénomènes qui sont des phénomènes extrêmement troublants. Vous décidez de construire un mémorial. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites appel à un architecte et à un scénographe. Vous passez un concours. Aujourd'hui, les concours pour les grosses structures sont internationaux. Et vous allez avoir un architecte qui va construire le monument aux victimes de tel ou tel camp, le monument aux victimes de la Shoah, le monument au massacre de Charpeville en Afrique du Sud, le monument au massacre de Nankin en Chine. Vous avez les mêmes architectes qui construisent les mémoriaux. Quand ce ne sont pas les mêmes architectes, l'architecte qui va construire le mémorial, par exemple celui de Nankin en Chine, hein, pour les massacres de Nankin de décembre 1938, va aller regarder comment il fait le mémorial de Washington, comment il fait le mémorial de Yad Vashem. Les scénographes vont utiliser les mêmes scénographies. Par exemple, un usage très particulier de la photo. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'usages des photos prises pour montrer que les victimes étaient des individus et très souvent de photos qui ont été prises avant que la victime devienne victime. Ce sont les mêmes scénographies partout. Donc, on a une sorte d'uniformisation de la mémoire avec en anglais on dit un récit, narrative, qui devient le même pour tous les massacres, pour tous les crimes de masse, et qui rend très inquiet pour la capacité d'avoir une histoire qui soit vraiment l'histoire du pays, et une histoire dans laquelle on puisse puiser des références, puiser des ressources pour interroger un monde présent